and drugs and rock and roll is all my brain and body need. Sex and drugs and rock and roll. It's very good indeed. Keep your silly ways or throw them out the window. The wisdom of your ways, I've been there and I know lots of other ways. What a jolly bad show. If all you ever do is business you don't like. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll is very good indeed. Every bit of clothing ought to make you pretty. You can cut the clothing, grey is such a pity. I should wear the clothing of Mr. Walter Mitty. See my tailor, he's called Simon. I know it's going to fit. Here's a little bit of advice, you're quite welcome, it is free. Don't do nothing that is cut price, you know what they'll make you be. They will try their tricky device, trap you with the ordinary. Get your teeth into a small slice, the cake of liberty. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Escúchame un momento o dos y confesaré a vosotros. No puedo evitar mirando las mujeres siniestras. Tengo que reconocer, voy a notar la vampiresa mujer. No es la máscara ni la falda ajustada, sino el temor causada por su fría mirada. Vampiresada, vampiresa mujer. Vampiresada, vampiresa mujer. Vampiresada, vampiresa mujer. Estoy impresionada cuando se ven vampiresada. Toma el vino, toma mezcal, hace sacrificio ritual. Vampiresada, vampiresa mujer. Estoy impresionada cuando se ven vampiresada. Feliz, está normal, trabaja por la industria sexual. Vampiresada, vampiresa mujer. Estoy impresionada cuando se ven vampirizada. Si te caes, amigo, no me río de ti. Me pasó la misma cosa a mi vampirizada. Vampiresa mujer, estoy impresionada cuando se ve vampiresada, vampiresada, vampiresa mujer, vampiresada, vampiresa mujer, estoy impresionada cuando se ve vampiresada. Pourquoi le marché n'aide pas l'innovation radicale? Un autre préjugé des investisseurs de la Silicon Valley consiste à ne pas financer les débutants en entrepreneuriat, ceux qui n'ont pas jusqu'ici créé de société. Un point de vue qui n'est pas justifié, montre Ganji. Amazon et Google ont été créés par de tels newbies. Le fait qu'Hyperloop attire aujourd'hui l'intérêt des investisseurs, alors que des projets analogues n'avaient rencontré que de l'indifférence, vient du fait qu'il est porté par Elon Musk, un entrepreneur déjà bien connu. En tout cas, pour Ganji, la conclusion s'impose. Nous devons innover dans l'innovation elle-même, car les modèles issus de la Silicon Valley ne nous mèneront manifestement plus très loin. Take a radio in your life. Take a radio in your life. So Bill left for Lexington, and I started for Texas in my car. I had 1/16 ounce of junk with me. I figured this was enough to taper off, and I had a reduction schedule carefully worked out. It was supposed to take 12 days. I had the junk in solution and in another bottle distilled water. Thank you. day. Cette nuit-là, j'étais tellement défoncé et engourdi par le froid que je me suis assis sur le bord du trottoir pour le draper autour de mes épaules comme une couverture. J'ai entonné un mantra. « Allez Mario, allez, faut descendre maintenant. » Je me l'imaginais sortant de l'immeuble, transformé, ayant troqué son allure voûtée de type accablé pour celle d'un mec fringant, prêt à s'envoyer en l'air en sifflotant. Je venais à peine de fermer les yeux quand j'ai senti une ombre m'envelopper. J'ai regardé par-dessus mon épaule. Un gros malabar indien tout crado arrivait droit sur moi, les yeux fous, armé de cisailles assez grosses pour me décapiter. Je me suis penché en avant le plus loin possible pour esquiver le coup. Mais un petit Mexicain décharné avec une tête grosse comme une citrouille a bondi devant moi, un cran d'arrêt menaçant à la main. En un éclair, j'ai décidé de ne pas laisser le grand me planter. Je préférais affronter le squelette. Ça s'est passé très vite, mais quand on regarde la mort en face, on a l'impression que tout se passe au ralenti, que le temps s'étire pour vous comme par magie. Je me suis levé d'un bond pour me rouer sur le gringalet, mon cuir en guise de bouclier. Je m'en suis servi pour détourner le coup, je l'ai abandonné là et j'ai filé comme un dératé. Anthony Kiedis, Scar Tissue. I'd heard his voice on the tape. It really put the hook in. I heard it over the radio. It was a golden age for young wizards. Radio was brand new. The miracle of snatching sound right out of the air. And finally, they were asked to share leadership in the greatest scientific project in 40-odd years. The project that made the world stand still and count. But I couldn't connect up that voice. This man. Can it be a record transmitter? Microphone coming. I can't figure out where to connect in the oscillator. I know I have to connect it into the amplifier, but where? It just doesn't fit in. Like they said, he had an impressive career. Would you please bring my whoopee music on there, Doctor? Well, what's this? You're talking about radio. It's right down your alley. Welcome to Aircheck, WFMU's weekly trip through the scratchy and warped history of radio's stranger characters. My name's Trent. Thanks for being with us tonight. On tonight's show, we'll be hearing from a pioneer of weirdness in early broadcasting, Jim Hawthorne. Tonight, you'll hear him making fun of his perpetually inept engineer, Egbert, reading listener mail about a tunnel he hoped to build from Pomona to Pismo Beach in California, and even as a drive-in theater pre-movie entertainer. Every once in a while, he plays a song that's usually cued at the wrong speed and accompanied by his trademark Hogan twanger. He had gigs as a more legitimate jock, but tonight we'll hear the wacky stuff done at a variety of stations around Los Angeles in the late 1940s and 50s. Here's Jim Hawthorne. Not now. We'll let you do Sarah Tanyaab later on. Yeah, but I mentioned in Time magazine today. I thought maybe I could get... It's showtime at the Chesterfield Supper Club. On the air five nights a week with America's greatest singing stars, Perry Como, Joe Stafford, Peggy Lee, and featuring the King Cole Trio, the Fontaine Sisters, the Starlighters, America's ace football forecaster Eddie, and the orchestras of Mitchell Ayers, Dave Barber, and Paul Weston. All brought to you by the Milder Cigarette, Chesterfield. A. Always milder. B. Better taste. Thank you, King Cole Trio. Thank you very much. That was great. You know, friends, most people out here who've been listening to their radios late at night have bumped into a strange character called Hawthorne, who comes on with... And not long after Hawthorne made his debut, there came another world shaker called... There was a boy, a very strange, enchanted boy. Well, it was inevitable that Hawthorne get together with Red Engel and Karen Tedder and make a record of Nature Boy. And it happened with a bang. Nature Boy backwards, Sarah Tanyaab. Here he is, radio's rover boy from Hoganville, Hawthorne. Oh, it's real keen to be here, Peggy. Say, Dave, will you give me an A here? All right, come on, Karen Tedder. Let's get rid of this thing. All right. A plum enchanted boy, the way he wandered fur, yep, he wandered fur, on land and sea. He was awful shy, count his bad eye, but a real wise guy was he. And then one day, this feller passed my way, and man, we chewed the fat about this and that, and he done said to me, the darndest thing you'll ever learn is how to love, and get a little loving right back. Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding L'arrivée des Google Glass a suscité de vives inquiétudes sur les risques que les possibilités documentaires de l'appareil pourraient faire peser au respect de la vie privée. Mais pour l'instant, plus que de nouvelles Little Sisters, cette sous-veillance, cependant décentralisée au panoptique du Big Brother, on trouve surtout des gens qui font des gestes étranges avec leur tête, qui regardent ailleurs plutôt que leurs interlocuteurs. Comme si les lunettes nous plongeaient dans une vallée de l'étrange de l'interaction où la superposition d'une double interaction, celle avec ses interlocuteurs et celle avec les lunettes, semblait rendre les premiers utilisateurs parfaitement schizophrènes. En effet, alors que nos smartphones comparativement semblent encore doués de capacité à nous socialiser, ce ne semble plus être le cas des lunettes. Si les téléphones nous amènent souvent à ignorer le monde alentour, ils savent aussi nous regrouper pour partager quelque chose que l'on peut montrer à l'écran par exemple. Une chose impossible avec les lunettes, expliquait Emily Nussbaum pour le New York Times, après en avoir fait l'expérience du porte-lunettes en couple. Les lunettes dressent autour de leur utilisateur un panoptique privé, une cage de verre. We got married, a ring to my ding to my dearie. Prettiest girl that ever I saw, a name of devilish Mary. We're both young and foolish, got in a powerful hurry. We both agreed upon one word in the wedding day was Thursday, a ring to my ding to my dearie. Prettiest girl that ever I saw, a name of devilish Mary. Thank you. hadn't been married but about 3 weeks. She got as mean as the devil. Every time I'd look cross-eyed, she'd knock me in the head with a shovel. A ring-tum-a-ding-tum-a-dairy. Prettiest girl that ever I saw. Her name was Devilish Mary. She washed my clothes and old folks' hoods, and the back was full of stitches. She let me know right at the start she's gonna wear the breeches. A ring to my ding to my dairy. Prettiest girl that ever I saw, her name was Devilish Mary. Every time I took a dropper of solution out to use it, I put the same amount of distilled water in the junk solution bottle. Eventually, I'd be shooting plain water. 4 days later in Cincinnati, I was out of junk and immobilized. I have never known one of these self-administered reduction cures to work. The room is blue.

Les Google Glass transforment le corps humain en dispositif d'entrée d'ordinateur, souligne Carr. La Kinect n'était qu'une caméra fixée vers l'utilisateur, alors que les lunettes de Google sont une caméra mobile pointée vers le monde, fixée vers l'extérieur, superposant son regard à celui de l'utilisateur. Avec les Google Glass, notre regard devient le curseur. Ce que l'on regarde, le monde, devient un ensemble de données qui peut être manipulé à la fois par le regard et par des gestes de la main. Alors que la réalité virtuelle nous a fourni une simulation du réel qui est restée séparée de lui, les lunettes transforment le réel en une simulation de lui-même, comme si, en chaussant ces lunettes, nous portions la société de simulation toujours un cran plus loin. The fish has been captured, put in a plastic bag to be sold. To be sold, I take myself for what I'm not. Wear a lovely little dress. To be sold, to be sold. Thank you. been captured, put in a plastic bag to be sold, to be sold, to be sold. Lots of makeup, I wear lots of makeup, lots of makeup, wear a lovely little dress. To fall, I've got to dress up for love. I've got to dress up for love. I'm gonna play it very naughty. I'm gonna give it to you. I'm gonna give you what you wanna buy. Is it right? Is it what you want? Very naughty. Is it right? Is it what you want? Right. Sous le slogan trompeur de l'augmentation de la réalité, nous sommes prêts à subir une réduction de la réalité, transformant le monde en écran d'ordinateur et éloignant ses richesses sensorielles toujours plus loin. Conclut Chiar. En minorant peut-être un peu trop rapidement le fait que la stimulation sensorielle est en fait bien réelle. Les lunettes de Google visent à augmenter notre regard, à lui donner des capacités qu'il n'avait pas jusqu'alors, à nous doter de sens dont nous étions dépourvus, à surstimuler notre attention. Les Google Glass nous transforment en super-héros comme le montre très bien la vidéo promotionnelle de Google. Augmenter nos sens réduit certainement la réalité, mais vise surtout à augmenter notre perception, notre être au monde, et plus encore notre être aux autres. Pas tant avec les gens avec lesquels nous interagissons directement, qu'avec ceux qui nous suivent à distance, ceux auxquels le regard de nos yeux est destiné. Keep them inside. Well, the it's the song. The song off the first song on the record is entitled "Done with the Devil," and I'd be hesitant to discuss, or I should say, I have been hesitant to discuss in interviews the actual story behind that song. But the story of behind that song comes from an actual encounter I had with something that I wouldn't call anything less than demonic possession. And for 4 or 5 years after that incident happened, I struggled to deal with it and to fit it into the current Buddhist dogma that I was holding at that time. And it didn't fit. And I was very scared by all of the Christian writings and texts found about demonic possession. And so that's what led me to Crowley and the occult. Really? And so that song is written from the perspective of somebody prior to receiving any writings from Crowley, you know. So it's from a perspective of fear concerning demonic possession. Yeah. We reached the gatehouse of the hospital. In the gatehouse was an old Irish guard. He looked at my army discharge. Are you addicted to the use of habit-forming drugs? I said yes. Well, sit down. He pointed to a bench. You ever been here before? He asked. I said no. Have you got any drugs or needles or droppers on your person? The lights go on, the lights go off. When things don't feel right, I lie down like a tired dog, licking his wounds in the shade. Thank you. Thank you, everybody, for coming. And that's the end of our set. If we're allowed to play one more, we will, but I think we're going to get taken off the stage now. One good more. Go. If we run, run. Let's do one more. Song. J'ai couru sans m'arrêter jusqu'à l'endroit où était garée ma voiture avant de m'apercevoir que j'avais perdu mes clés. Plus de blouson, plus d'argent, plus de seringues et pire que tout, plus de drogue. Mario n'était pas du genre à partir à ma recherche. Je suis retourné chez lui à pied, nada. Le soleil était levé, je devais partir pour l'Arizona une heure plus tard. J'ai trouvé une cabine téléphonique, un peu de monnaie et j'ai appelé notre manager. Lindy, je suis au coin de Seventh et d'Alvarado. Je n'ai pas dormi depuis un bout de temps. Ma voiture est ici, mais j'ai perdu mes clés. Tu peux passer me chercher en partant ? Il était habitué à ces appels au secours de ma part, et une heure après, notre van bleue se garait au coin de la rue, avec à son bord les autres gars du groupe ainsi que tout notre équipement. J'ai pris place parmi eux, paumé, déprimé, les vêtements déchirés et crasseux. Les autres me faisaient la gueule, alors je me suis juste étendu sous une banquette, j'ai posé la tête au milieu de l'allée centrale, entre les deux sièges de devant, et je me suis endormi comme une masse. Je me suis réveillé quelques heures plus tard, trempé de sueur. J'étais juste au-dessus du moteur et il faisait au moins 45 degrés dehors. Mais je me sentais bien. Fli et moi, on a partagé une tablette de LSD et ce soir-là, on a cassé la baraque. Anthony Kiedis, Scartich. If you have any friends at all, can surrender them here, but if you take them up to the main building, you are liable to prosecution for introducing contraband articles into a government reservation. I've got nothing. A guard took me to my ward. If you want to get off drugs, he said, this is the place to do it. The ward attendant asked me if I really wanted to get off drugs. I said yes. He assigned me to a private room. Oh, About 15 minutes later, the attendant called, "Shot line." Everyone in the ward lined up. As our names were called, we put an arm through a window in the door of the ward dispensary, and the attendant gave the shots. Sick as I was, the shot fixed me. Right away, I began to get hungry. There were 3 shots a day. 1 at 7 a.m. when we got up, 1 at 1 p.m., and 1 at 9 p.m. Spread your love. This is about time. It's been a while. I'm glad to see you here. Glad to see you here. You're so clear. Crystal clear. This is about the space between the sounds in my head. Ou autre chose. This is about. This is about. Acquaintances have come in during the afternoon. Maddie and Lewis. I ran into Lewis as we were lining up for the evening shot. Did they get you? He asked me. No, just here for the cure. How about you? Same with me, he answered. With the evening shot, they gave me some coral hydrate in a glass. Five new arrivals were brought to the ward during the night. The ward attendant threw up his hands. Thank you. I'm going to put them. I've got 31 dope fiends in here now. Among the new arrivals was a dignified, white-haired man of 70 named Bob Riordan, an old-time con man, junk pusher, and pickpocket. He looked the way bankers looked around 1910. He'd come with two friends in a car. On the way to Lexington, they had called the Surgeon General in Washington and asked him to wire ahead to the gate that they were coming and should be let right in. Thank you. On ne peut distinguer dans la production du discours dominant entre ce qui est production et ce qui est circulation. Les propriétés les plus spécifiques du produit, à savoir l'ensemble des présupposés admis sans examen et la croyance collective qui leur est accordée, sont produites dans et par la circulation. La structure cachée du champ de production en fait le lieu d'une circulation circulaire qui est propre à produire un effet d'autoconfirmation et d'auto-renforcement. Cette fausse circulation engendre la croyance collective en instaurant une sorte de chaîne prophétique dans laquelle chacun prêche des convertis qui prêcheront à leur tour et sans en avoir l'air d'autres convertis. Extrait de Le champ scientifique de Pierre Bourdieu dans Les actes de la recherche en sciences sociales de juin 1976. I wanna know. Ayant essayé de décrire ailleurs la logique du fonctionnement des champs de production symbolique, champs intellectuels et artistiques, champs religieux, champs de la haute couture, etc., on voudrait déterminer ici comment ces lois se spécifient dans le cas particulier du champ scientifique. Plus précisément, à quelles conditions, c'est-à-dire dans quelles conditions sociales, des mécanismes génériques comme ceux qui réagissent en touchant l'acceptation ou l'élimination des nouveaux entrants ou la concurrence entre les différents producteurs peuvent déterminer l'apparition de ces produits sociaux relativement indépendants de leurs conditions sociales de production, que sont les vérités scientifiques. Cela au nom de la conviction, elle-même issue d'une histoire, que c'est dans l'histoire qu'il faut chercher la raison du progrès paradoxal d'une raison de part en part historique et pourtant irréductible à l'histoire. Extrait du Champ scientifique par Pierre Bourdieu. Porque te vas. pas du tout qu'il s'agit de liquidation ou de déclin. Je pense plutôt à une transformation de la fonction de l'État-nation. Je partage d'ailleurs le souci de préserver l'État-nation, mais je dirais celui qui veut que l'État-nation reste tel qu'il est, il ne veut pas qu'il reste. Les circonstances de mobilité, de transport, de communication ont tellement changé dans le monde que les défis qui se posent à l'autorité politique aujourd'hui ne peuvent plus être réglés à ce niveau-là et seulement à ce niveau-là. Donc je songe plutôt à une coopération entre des États-nations et un certain transfert de compétences à des niveaux supérieurs. Donc il faut échelonner l'autorité politique et l'État-nation reste un échelon principal, très important, mais pas le seul. Et surtout, l'État-nation n'est pas une fin en soi. Le problème de la justice se pose entre les États-nations, entre les ressortissants d'États-nations différents. Et donc, il faut continuer la construction. Ce n'est pas du tout nouveau. On a eu la construction de la démocratie dans la ville au commencement. On l'a transposée à l'État-nation. Aujourd'hui, il faut continuer le travail politique. Il faut transposer et intégrer cet État-nation dans une construction au-delà. C'est tout ce que je dis. Donc, je ne partage pas la rhétorique de déclin, de liquidation, d'anéantissement. Ce sont là des exagérations qui me paraissent inadéquates. Chantal ont perdu l'Algérie. C'était en quelle année? On twistait à Paris. d'Algérie, c'est pas ça qui la gêne, car Chantal, elle s'en fout. Tu comprends lorsqu'elle va à Belleville à Barbès pour aller faire ses courses, elle pense pas trop à ça. Un point important justement, c'est que il s'agit pas encore à ce stade véritablement de choisir le bien ou de choisir le mal. Il s'agit de choisir les deux. Voilà, c'est ça exactement. C'est ça, de choisir le bien et le mal. Eh bien, nous sommes d'accord. Il s'agit de choisir le choix, parce qu'au moment où l'on s'engage dans ce choix, le bien et le mal restent des déterminations abstraites. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas encore été face à un choix moral, comme dirait Sartre, je sais pas, de soigner sa vieille mère ou de s'engager dans le maquis, que veut dire choisir le bien et choisir le mal? Non. Au moment où le choix primordial se pose, l'individu est face à lui-même. Et le bien et le mal sont encore des déterminations abstraites. Monty, Monty, now I'll be there. contes parlent d'hommes que des sirènes ou les tritons subjuguaient par les accents de leur musique démoniaque. Pour rompre le charme, dit le conte, il fallait que la victime de l'enchantement jouât le même morceau à rebours, sans commettre une seule faute. Pensée très profonde, mais d'une exécution fort difficile. Et pourtant, il en est bien ainsi. Il faut extirper de la sorte les erreurs que l'on a assimilées en recommençant chaque fois que l'on se trompe. C'est pourquoi il importe de choisir, et de choisir à temps. Mais toi, tu suis une autre méthode, car je sais bien que ton attitude polémique devant le monde n'est pas ta vraie nature. Si la délibération était la tâche de la vie humaine, tu ne serais pas loin de la perfection. Il faut naturellement des oppositions violentes pour qu'elles te conviennent. Ou bien pasteur, ou bien acteur. Tel est le dilemme. Ton énergie passionnée s'éveille tout entière. De ses 100 bras, ta réflexion étreint l'idée du sacerdoce. Tu n'as plus de repos. Nuit et jour, tu rumines ce projet. Tu lis tous les ouvrages que tu peux dénicher sur la question. Tu vas à l'église 3 fois par dimanche. Tu fais la connaissance d'ecclésiastique. Tu écris des sermons que tu prêches à toi-même. 6 mois, tu es mort au monde entier. Tu peux maintenant parler du sacerdoce avec plus de vue et en apparence avec plus d'expérience que maint pasteur après 20 ans de ministère. Tes paroles ne manquent peut-être pas de justesse, mais tu n'es pas devenu pasteur. Over, and the balancing will add to your confusion. 1937 dans les Andes boliviennes, Domitila Barrios de Chungara était mariée à un mineur et mère de 7 enfants quand elle est devenue porte-parole non seulement des femmes, mais des mineurs engagés dans les violentes luttes sociales qui agitaient la localité de Ziglo XX, l'un des principaux complexes miniers du pays. Au cours des années 1960 et 1970, celle-ci fut le théâtre de conflits répétés liés aux transformations économiques et sociales de l'époque, avec leur cortège de répression. En 1961, période de crise financière, la Corporation minière de Bolivie, Comibol, société nationalisée, ne paye pas les mineurs pendant 3 mois. Ceux qui revendiquent une augmentation des salaires sont envoyés en prison. Un groupe de 60 femmes organise alors une grève de la faim pour obtenir la liberté de leurs compagnons et des dirigeants syndicaux. Après 10 jours, elles obtiennent satisfaction. Cet événement est à l'origine du comité des ménagères de Ziglo XX, en soutien au syndicat des mineurs, dont le modèle se développera dans les autres mines nationalisées. Extrait d'une femme de mineur à la tribune de l'année internationale de la femme en 1976 chez Agon. You know. Domitila vivait avec sa famille dans un deux pièces mis à disposition par la Comibol, tant que son mari y travaillait, principalement occupé aux tâches ménagères, à l'éducation de ses enfants, et à faire la queue à la pulperia pour se procurer des produits de première nécessité. A-t-elle été influencée par les activités politiques de son père, un ancien dirigeant syndical qui l'éleva seul après la mort de sa mère ? Toujours est-il qu'en 1963, elle rejoint le comité des ménagères pour garder en otage les gringos qui seront échangés avec deux dirigeants du syndicat des mineurs. One, two, three, four, five, six. We'll be right back. Okay, now you say what I love is. Plus tard, Domitila est nommée secrétaire remplaçante du comité par la secrétaire générale en titre, qui doit se rendre aux obsèques d'étudiants tués lors d'une manifestation. Cette dernière se faisant arrêter puis emprisonnée, Domitila se trouve en charge de toutes les responsabilités du comité des ménagères. Nommée officiellement secrétaire générale en 1965, sans expérience ni formation, Domitila avouera qu'elle ne prenait pas la mesure de la situation. C'est alors qu'elle assiste personnellement à l'assassinat de nombreux mineurs par l'armée, suivi d'une répression qui laisse des centaines de veuves sans logement ni argent, avec jusqu'à 8 enfants à nourrir.